Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la rivalité canadien-nordique. Lundstrom qui rate le retour. Et la sortie de Gillis qui a remis à côté. Côté qui tente de déjouer Ludwig. Joue bien, le tir et le but! Voilà. On s'est fait voler. Si on l'a sur le film, le but est dedans avant qu'il y ait contact. C'est incroyable. La série devrait être finie par maintenant. La série devrait être terminée. L'entraîneur des Nordiques de Québec, Michel Bergeron, qui réagit à cette décision de l'arbitre Carey Fraser de refuser le but d'Alain Côté lors du cinquième match de la série canadien-nordique en 1987. Cette décision va soulever l'indignation des partisans des Nordiques. Il y en a qui en parlent encore aujourd'hui. Ça illustre bien cet incident-là, la rivalité qui oppose les Canadiens et les Nordiques dans les années 80 et au début des années 90. La bataille du Vendredi Saint aussi, du 20 avril 1984, passera à l'histoire et fera partie de cette rivalité canadien-nordique, l'une des plus féroces rivalités de toute l'histoire de la Ligue nationale de hockey. En direct du Forum de Montréal, la soirée du hockey vous présente le match tant attendu qui oppose pour la première fois les Nordiques de Québec aux Canadiens de Montréal. Et une nouvelle page d'histoire s'écrit ce soir. Les Canadiens qui ont remporté en mai dernier la 22e Coupe Stanley de leur histoire. Bonsoir mesdames, messieurs, ici Richard Garneau qui au nom de toute l'équipe de la soirée du hockey vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle saison de la Ligue nationale. Une bienvenue toute particulière aux partisans des Nordiques de Québec. Eh bien, c'est un moment historique puisque c'est la première fois depuis 1920 qu'une équipe de Québec et une équipe de Montréal se rencontrent dans la Ligue nationale. Eh bien, Gilles, on a beau dire que c'est un match qui ne vaut que deux points, et ça, c'était un peu le langage que l'on retrouvait sur les lèvres des Canadiens en particulier, qui voulaient échapper autant que possible à l'énervement. Mais il faut dire qu'il y a ce petit quelque chose d'indéfinissable qui flotte dans l'air et qui n'échappe à personne. Sauf pour la série du siècle 1972, il y a encore là, il s'agissait d'une série, non pas d'un match en particulier. Mais moi, je ne me rappelle pas d'avoir assisté à un événement aussi attendu. Pour Bernard... Événement très attendu, dira René Lecavalier le 13 octobre 1979. Match historique, dira pour sa part Richard Garneau. C'est vrai que le 13 octobre 1979, c'est une date spéciale. Les Canadiens de Montréal reçoivent la visite des Nordiques de Québec. C'est la première partie opposant les deux équipes depuis l'arrivée des Nordiques dans la Ligue nationale de hockey. Et c'est le début de ce qui sera vraiment une longue, une dure rivalité. L'historien à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Laurent Turcot, est avec nous pour nous raconter ces années de rivalité canadien-nordique. Et Laurent, cette rivalité-là, c'est du hockey, bien sûr, mais c'est plus que ça. Ça montre le contexte de l'époque, ça montre aussi notre rapport identitaire, mais la place qu'occupe le hockey chez nous. Oui, on dit souvent, en fait, c'est un topos, que le hockey, c'est dans l'ADN des Québécois. Mais plus encore, c'est qu'on s'est servi de ce sport-là pour exprimer des émotions politiques, des émotions sociales, voire même des émotions économiques, comme on va le voir aujourd'hui. Oui. Il y a un contexte particulier. On est vraiment... C'est les années 80, début des années 90, socialement, politiquement au Québec, c'est l'entre-deux référendums sur la souveraineté. Les deux référendums sur la souveraineté. Exactement. De 1980 à 1995, c'est ce grand moment, ce réveil national qui suit la Révolution tranquille au Québec. Et c'est le Parti québécois qui tente par tous les moyens de faire passer le référendum. On le sait, les deux référendums ne passeront pas. Mais toutes les tensions que ça va provoquer entre les souverainistes d'un côté et les fédéralistes de l'autre va trouver des exutoires. Et on le sait, le sport est souvent un moyen d'exprimer des émotions qui sont contraintes par les limites que la société nous met. Il y a une rivalité, évidemment, qui va être géographique. Québec, l'Est du Québec, Montréal, l'Ouest du Québec. Mais il y aura, pour revenir à ce contexte, une rivalité qui sera teintée de la question linguistique. Et les Nordiques, de fait, vont beaucoup jouer là-dessus. Équipe francophone, l'uniforme, le bleu, le fleur de lys. Ah oui, complètement. Quand vous regardez les deux, les Nordiques se sont presque définis contre les Canadiens. Vous l'avez dit, direction francophone avec Marcel Aubut, Maurice Filion, Michel Bergeron. Le Colisée, au Colisée de Québec, les annonces sont faites uniquement en français. L'hymne national canadien n'est qu'en français. C'est la seule équipe dans la Ligue nationale de hockey qui le fait. Autre chose, les joueurs étrangers, comme les frères Stastny, dont on va parler dans quelques instants, apprennent le français. On s'entend qu'à Québec, 99% presque blancs francophones, on n'a pas le choix. À Montréal, ici, on est plus dans une société ouverte, une société bilinguistique, donc avec les francophones d'un côté, les anglophones de l'autre. Et c'est cette espèce de vision du Canada qui est séparée, c'est-à-dire où la fameuse diversité qui avait été chantée par Pierre-Éliott Trudeau à l'époque, tandis que Québec, ça serait plutôt la ville du Parti québécois, francophone, qui veut émerger et qui est toute neuve. Donc, on a une métaphore magnifique. Voilà. Ici. Et ça fera partie de l'équation. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souverainistes chez les partisans du Canadien, comme il y aura des fédéralistes qui soutiendront Québec. Tout à fait. Mais c'est là, en toile de fond. Puis ce sera exploité d'une certaine manière aussi, cette dimension-là. La rivalité, c'est fascinant, Laurent Turcot. Elle commence avant même que les Nordiques se joignent à la Ligue nationale de hockey. En fait, c'est quand les Nordiques commencent à vouloir adhérer à la LNH que cette rivalité commence. Le Canadien s'oppose à ça. Complètement. Et vous avez raison de dire que les Nordiques existent avant la Ligue nationale de hockey. Pourquoi? Parce qu'il y a une ligue concurrente qui crée l'Association mondiale de hockey. L'association dans laquelle on retrouve, par exemple, les Oilers d'Edmonton, les Jets de Winnipeg, les Whalers de Hartford, qui vont se joindre après à la Ligue nationale. Mais Québec, sans avec ses joueurs vedettes comme Marc Tardy ou Réal Cloutier, ils ont même remporté la Coupe AFCO en 1977, se disent « On est prêt maintenant. On peut joindre les rangs de cette grande ligne et Marcel Aubu va tout faire pour que les Nordiques s'y joignent. Les Canadiens, eux, ne veulent rien savoir. Ben, c'est très simple, c'est une question de monopole. Le Canadien, c'est l'équipe du Québec. À force d'amener une autre équipe, on va séparer ce monopole, on va diviser le marché, on va perdre de l'argent et en plus, on se dit, on n'en a pas besoin. Donc, on va tout faire pour empêcher les Nordiques et même Molson, qui contrôle en grande partie les Canadiens de Montréal, va mettre un veto pour que les Nordiques n'entrent pas dans la Ligue nationale. Qu'est-ce qui va faire qu'il y aura un déblocage, que finalement Montréal va dire, parce qu'ils ont ce veto, Montréal va dire oui? Ben, c'est ce qu'on appelle la guerre du houblon. Pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, les Nordiques sont commandités, pourrait-on dire, par une bière, O'Keeffe, qui, de longue date, a commandité le sport. Par exemple, les Expos de Montréal sont depuis 1979 avec O'Keeffe. Il y a même certains grands athlètes comme Gaétan Boucher, Sylvie Bernier, qui sont subventionnés par eux. Et comme Molson s'occupe des Canadiens, O'Keeffe va dire, ben nous, on va faire les Nordiques. Donc, on a une opposition symbolique entre les deux villes. On a une opposition aussi commercial entre deux grandes brasseries. Molson, d'un côté, et on connaît toute l'importance de la famille Molson au Québec, qui date du 18e siècle, et de l'autre côté, O'Keeffe et les Nordiques. Donc, on va comme séparer la chose, et Molson va dire, si on laisse entrer les Nordiques dans la Ligue nationale, on perd le monopole du Canadien sur la bière, et on va perdre justement des ventes. Donc, on va tout faire pour limiter. Ouais. Parce qu'il y a une association, évidemment, c'est ça. Ça, c'est novateur, mais ça sera un grand modèle économique dans le sport. C'est que on est partisan d'une équipe, on boit donc la bière associée à cette équipe-là. Puis au fond, il y a une menace, pour revenir à cette question que je vous posais, de boycott. Tout à fait. Qui va faire, parce que, un moment donné, O'Keeffe s'organise, il y a des gens qui veulent que les Nordiques appartiennent à la Ligue nationale de hockey, puis il y aura une menace de boycott dans les villes de l'Ouest, entre autres. Oui, tout à fait. Pas juste ici. En fait, quand je dis ici, j'entends la ville de Québec. Québec va menacer de boycotter les produits de Molson, mais pas seulement Québec. Edmonton, Winnipeg. Donc, le mouvement commence à devenir pan-canadien. Et on le sait, un mouvement de boycott d'une bière canadienne, ce qui est Molson en l'occurrence, c'est pas bien vu. Donc, que va-t-on faire chez Molson? Ben, on va lâcher du lest. Ouais. En 1979, on se dit, d'accord, on lève notre veto. Et Marcel Aubu obtient finalement ce qu'il voulait, une équipe. Et il va dire ce jour-là, je ne peux pas passer à côté de cette magnifique citation, quand les Nordiques entrent dans la Ligue nationale le 22 mars 1979, Jacques, juste pour la petite histoire, c'est 3 jours après ma naissance, donc je pense qu'il y a quelque chose ici. Et il écrit qu'il s'agit du plus beau jour de l'histoire de Québec depuis sa fondation. Bon. Samuel de Champlain, au Nordiques de Québec, il y a un grand vide pour Marcel Aubu. Je vous avais pas demandé pour qui vous étiez dans cette rivalité, mais on vient de le deviner. Dois-je le dire? Revenons à cette guerre du houblon. Ça va être très, très important. Et ça fait, une fois que les Nordiques sont donc dans la Ligue nationale de hockey, il y a vraiment une guerre, mais même qui va se déplacer jusque dans les dépanneurs, Laurent Turcot. Ben oui. Je sais pas si vous vous souvenez, plusieurs des auditeurs vont l'avoir en mémoire. Quand vous alliez acheter des choses au dépanneur, on vous offrait à côté de la caisse enregistreuse des petits calendriers, des équipes qui étaient subventionnées par les grandes brasseries. Et certains dépanneurs vont se voir offrir de l'argent, soit par O'Keeffe, soit par Molson, pour mettre de l'avant les petits calendriers des Nordiques ou des Canadiens. Dans certains cas, si on paye encore plus cher, celui des Canadiens, on le prend et on le jette pour ne voir que ceux des Nordiques. Donc, c'est une guerre de bière, c'est une guerre de l'image, c'est une guerre métaphorique. Tout est là. Et c'est une guerre, évidemment, aussi de droits de diffusion. Mais oui, les années 80, c'est l'émergence du sport spectacle ici qui existe déjà depuis les années 60-70 aux États-Unis. Le football américain, le baseball américain a pris une ampleur phénoménale. La Ligue nationale va le comprendre sur le tard, donc à ce moment-là. Et ici, les droits de télé notamment. Pour ce qui est des Canadiens, c'est assez simple. C'est, on l'a entendu dans l'extrait sonore, la Société Radio-Canada qui a le monopole, pourrait-on dire, des Canadiens. Mais parce qu'elle a le monopole, elle ne diffusera pas les Nordiques. Et Marcel Aubut se dit... Parce que c'est Molson aussi qui est associé à la soirée du hockey, diffusée à l'antenne de Radio-Canada. Mais, disons-le franchement, quasiment propriété de Molson. C'est Molson qui produit cette émission-là. Ah, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, si on regarde les pauses commerciales, ouais, c'est souvent, presque toujours, de la bière qu'on propose. Encore aujourd'hui, la bière est éminemment liée à ce sport. Mais pour les Nordiques, on se dit on ne peut pas ne pas avoir de débouchés sur ce média de masse qu'est la télévision. Et comment faire? Eh bien, Marcel Aubut, dans un premier temps, va faire des ententes avec Télémétropole, par exemple, Télécapitale, pardon, mais on ne pourra diffuser les matchs des Nordiques qu'à une centaine de kilomètres autour de la ville. Donc, il manque ce lien. Et Marcel Aubut va faire un lien avec CTV, le réseau anglophone pour diffuser les matchs des Nordiques. C'est sa porte d'entrée, les matchs des Nordiques diffusés en anglais à CTV. L'important, c'est qu'on le voit. Alors, ça joue extrêmement dur. On ne mesure plus l'importance que ça à l'époque. Et ça va jouer dur. Il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui nous disent « Mais quand est-ce qu'on va arriver sur la patinoire? » On y arrive, mesdames et messieurs. Ça va jouer dur aussi sur la patinoire. La rivalité canadien-nordique va commencer vraiment dans les séries éliminatoires de 1982. C'est là vraiment que ça commence. Une sortie de zone, et là, attaque à 2-1, Luthier à Hunter, et il rate le filet, revient devant, et là, c'est bloqué, et quel... Où est la rondelle? Le but est dedans, et les Nordiques sont emportés. À 22 secondes seulement. La terre tremble ce soir-là pour les partisans du Canadien de Montréal, Laurent Turcotte, et c'est vraiment ce but en série éliminatoire, l'élimination du Canadien, but Dale Hunter, c'est là vraiment que les Nordiques commencent à exister, à être pris au sérieux. La rivalité, elle commence là. Oui, elle commence là pour une raison très simple, c'est que dans la saison régulière, le Canadien a passé les Nordiques de 30 points. Donc, ils sont supérieurs. Donc, quand arrive la demi-finale en série éliminatoire, qui est présentée au Forum, qui est un 3-5, et là, c'est 2-2 dans la série, on se dit, bon, ben les Canadiens vont gagner. On est en prolongation et Dale Hunter marque le but. Là, quand vous avez entendu l'extrait, ça criait pas beaucoup. On est au Forum, justement. Ouais. Donc, les gens avaient la mine très basse. Tellement que le directeur du Canadien, Irvin Grunman, va échanger 4 des 5 joueurs qui étaient sur la glace au moment du but de Dale Hunter. Tellement ça a une charge symbolique. Imaginez. Et ça va vraiment créer un électrochoc parce qu'on se disait, cette petite équipe des Nordiques qui était... C'était sympathique. Rien que... Oui, c'est ça, c'était agréable, mais sans plus. Mais là, ils nous menacent. Ouais. Et là, non seulement on est face à un adversaire, mais face à un adversaire qui peut nous battre et qui est sur le même territoire, il faut se préparer. Ça, c'est 82, les séries éliminatoires de 82. Et puis, il y aura cette saison et les séries de 84. On va y venir aux séries dans un instant, mais toute la saison de 83-84 qui vraiment va s'inscrire dans cette rivalité canadien-nordique. Ah oui, cette saison 84, elle est fondamentale pour une raison. Les Nordiques passe devant le Canadien au classement. Et même sur le nombre d'affrontements, 5 matchs pour les Nordiques de victoire, 3 matchs de victoire pour les Canadiens. Donc, les Nordiques qui vont avoir des vedettes comme Peter Stachny, qui, on connaît les circonstances avec lesquelles qui ont amené Peter Stachny. Bon, Marcel Aubut a rajouté des tonnes et des tonnes de détails à n'en plus finir, de sorte qu'on se croirait dans un roman d'espionnage. Mais la réalité est que les Nordiques ont leurs vedettes et peu à peu émergent de grands joueurs comme Michel Goulet aussi, qui ont une facilité à jouer et qui dominent les joueurs du Canadien. Tant qu'on se dit, quand arrivent les séries de 1984... Ça y est. Ben là, ça y est, ce sera presque la guerre civile. On va parler de cette série-là comme de la bataille de l'Avin. Je vous cite, en fait, Claude Bédard, qui, dans le Journal de Québec, écrit le 9 avril 84, quand on sait qu'ils vont s'affronter les deux, il dit « Ce sera la guerre civile, la crise d'avril, la guerre du houblon, la série de l'Avin, le duel de la transcanadienne, la bataille du village contre la ville, on pourrait plus dire ça aujourd'hui, la flanelle contre les fleurs d'Elysée, name it, la charge émotive sera absolument suffocante. » Et ça va donner vraiment un des moments les plus marquants de cette rivalité. 6e match de la série entre les Canadiens et les Nordiques. Voici ce que ça va finir par donner. Le plus cocasse à travers tout ça, c'est qu'on était en train de poursuivre la lecture des pénalités quand déjà la bagarre continuait. Moi, je ne me rappelle pas au cours des dernières années d'avoir vu une chose pareille, Gilles. Une fin de période aussi tumultueuse et une troisième qu'on ne parvient pas à mettre en marche. Incroyable. Avec autant de bagarres et où on a l'impression que ça ne cessera jamais. On avait des joueurs chassés qui sont revenus. Mario Tremblay, Peter Sachely, ils sont revenus. Il est devenu absolument impossible pour l'arbitre d'en arriver à des conclusions valables ou enfin une étude objective. En ce qui concerne les pénalités, il faudrait vraiment que les trois quarts des joueurs reçoivent des pénalités. Le match n'a aucun Clint sens. Milichuk, 5 minutes for fighting. Number 32, Dale Hunter, a double minor for roughing. Number 21, Randy Muller, 5 minutes fighting, 10 misconduct. Number 26. C'est la fameuse bataille du vendredi Saint-Laurent-Turcot. Que se passe-t-il le 20 avril 1984? Ben oui, là, en fait, on est en troisième période, au début de la troisième période du 20 avril 1984. Ça se battait en deuxième. Oui, mais ça s'est battu à la fin de la deuxième. Ouais. Donnons un peu le contexte. Les Nordiques mènent 1-0 et ils doivent éviter l'élimination. Les esprits vont s'échauffer lorsque Dale Hunter, encore lui, bouscule le gardien Steve Penney. Et là, on se dit, mon Dieu, on touche pas au gardien. S'ensuit les deux bancs qui se vident. On est à la fin de la deuxième. Tout le monde qui descend, il y a trois arbitres à l'époque. Ils ne contrôlent pas les 40 batailles qui sont en train de se produire à gauche et à droite. Et si vous regardez les images, parce qu'on peut encore trouver les images sur Internet, la caméra ne sait plus comment cadrer les joueurs ou regarder. Et même les commentateurs se disent, écoutez, il se passe quelque chose, mais on a un peu honte de vous décrire ce qui se passe en ce moment. Mais on voit plusieurs joueurs se battre. Peter Stachny, Mario Tremblay. Mais le gros moment, c'est quand les esprits commencent à un peu se calmer. On a Louis Slager qui est en train de se battre et il y a Jean Hamel qui arrive pour essayer de calmer les esprits. L'arbitre prend les joueurs, on a l'impression que ça va ralentir, et là, Slager sort une droite, mais extrêmement violente, sur Jean Hamel, qui devient, en fait, qui tombe très violemment sur la patinoire, il ne bouge plus, et là, tout le monde arrête, on dit, mon Dieu, mais on a vraiment tapé le moment ultime de la violence du hockey, on arrive à calmer les esprits peu à peu, tout le monde revient chez soi, Au vestiaire, 250 minutes de pénalité. Mais là, les arbitres vont faire des erreurs monumentales. Ils ne maintiennent pas certaines des suspensions, ce qui fait que Mario Tremblay, qu'on entendait en exprès, Peter Stachny, reviennent. Ouais. Et avant même que le match reprenne en troisième période, ça recommence. C'est ça qu'on entendait. Ah oui, puis c'est encore plus violent. Là, les droites, les uppercuts, tout y passe. Et c'est un moment, c'est des gladiateurs qui entrent sur la glace. Et ce qu'on voit, c'est ce moment paroxystique presque qui avait été monté en épingle par tous les chroniqueurs, par tous les hommes politiques, par tout ce qu'on attendait dans les familles. Ça se passe, mais là, on est complètement dépassé. Et ça va finir par finir. Et puis là, ce sera entre guillemets le massacre, mais dans la joute, en 8 minutes, le Canadien qui marque 5 buts et qui remporte ce match-là. Évidemment, un match où il y a à peu près plus rien qui tienne. Ben là, entendons-nous aussi, les Canadiens ont bénéficié de punitions extrêmement sévères contre les Nordiques de Québec. Ouais. Par exemple, Peter Stachny, qui est exclu de la partie. Ouais. Et là, le forum va exulter quand on va entendre que Stachny est exclu, alors que certains autres joueurs qui se sont battus autant que lui ne sont pas exclus. Donc là, les Nordiques vont se dire, c'est anormal. Et même Laurent, Michel Bergeron, le partisan du Nordique, est en train de ressurgir. Il a toujours été là, j'assume. Mais Michel Bergeron, qui lui va dire, c'est du hockey de gorille et la faute, c'est à une personne, c'est Jacques Lemaire. Ouais. L'entraîneur des Canadiens de Montréal, Michel Bergeron, va dire c'est de sa faute à lui. Les joueurs, ce ne sont que des objets qui ont été contrôlés par lui. Maslum qui rate le retour et la sortie de Gillis qui a remis à côté. Côté qui tente de déjouer Ludwig. Joue bien, le tir et le but! Voilà. Côté, voilà, c'est 3-2 pour les Nordiques avec 2 minutes 53 à faire en troisième. Comme on voit régulièrement, Richard, au hockey. Le Canadien qui venait d'avoir deux belles chances en territoire adverse. Eh bien, voir Côté venir réussir un troisième. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on avait... Je ne sais pas. Est-ce qu'on a arrêté le jeu? Attendons voir. Bien, il y avait une pénalité à Max Messlund. Pénalité annoncée. Est-ce qu'elle a été annoncée avant que le but soit marqué? Voilà. Et à Gillis également. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, le but ne compte pas puisque la pénalité, semble-t-il, est donnée au Nordique. Le fameux but refusé d'Alain Côté le 28 avril 1987, on entendait déjà un premier extrait de tout ça au début de l'émission. C'est vraiment, il y a des gens qui en parlent encore aujourd'hui, Laurent Turcot. C'est un autre grand moment de la rivalité Québec-Montréal. C'est un des derniers grands moments fondamentaux. On va en évoquer un dernier tout à l'heure. Mais le but d'Alain Côté, je ne me prononce pas à savoir s'il était bon ou il était mauvais. Bon, en fait, moi, je pense qu'il était mauvais, même si je suis partisan des Nordiques de Québec. Ah bon? Mais malgré tout, les Nordiques vont perdre cette série. Peu de temps après que le but d'Alain Côté ait été refusé. Mais il y a surtout qu'après 1987, ce qu'on vient d'entendre, c'est la fin, pourrait-on dire. Pourquoi O'Keefe et Molson fusionnent? C'est-à-dire Molson achète O'Keefe et peu à peu, les grands héros des Nordiques sont échangés. Michel Bergeron, un entraîneur, est échangé, ce qui est extrêmement rare. Michel Goulet, ça je vous dis ça parce que c'était mon héros de tous les temps. Michel Goulet est échangé le 5 mars 90 contre des joueurs assez bas de gamme. Ouais. Peter Stachny est échangé. Donc essoufflement. Fin de la rivalité. Il y aura un petit sursaut autour de 93, je pense. Ben oui, parce que quand Éric Lindros a refusé de jouer pour les Nordiques de Québec, on avait fait un échange, là, j'ai dit on a fait un échange qui a été magnifique pour les Nordiques. On a eu Ron Ekstall, on a eu Peter Forsberg et on a eu la génération de Joe Sakic, Matt Sundin, Owen Nolan. Et là, véritablement, ça relève peu à peu jusqu'en 1993. Autre affrontement face aux Canadiens de Montréal. Les Nordiques vont perdre, mais il va y avoir cette scène fondamentale où Pierre Pagé, l'entraîneur des Nordiques de Québec, va engueuler copieusement Matt Sundin, l'écume sur le bord des lèvres pour prouver à quel point c'est important. J'ai le regret de vous annoncer que les propriétaires se sont finalement résignés à accepter une offre d'achat de la part de Comsat Communications de Washington pour transférer le club à Denver, au Colorado. Les nouvelles exigences de l'industrie du hockey, la taille du marché de Québec et l'absence d'une aide gouvernementale adéquate sonnent le glas des Nordiques à Québec. Mai 95, c'est la fin de l'aventure. Ça se sera finalement soldé comment, cette fameuse rivalité? De manière très triste, en fait, le dernier match qui oppose les Canadiens et les Nordiques, c'est le 26 avril 95, un verdict nul de 1-1, match sans passion. C'est un peu poche. Oui, l'année 95, faut dire pour que... Pour une si grande rivalité. Oui, mais à Québec, il y a un moment, 95 est un moment très noir. Québec n'obtient pas les Jeux d'hiver de 2002. Québec perd les Nordiques. Et en plus, c'est l'année du référendum, que plusieurs considèrent comme une défaite. Donc, il y a ce moment extrêmement noir de la ville de Québec où tout semble partir, tout semble le rêve, la passion. Et ce que Marcel Aubut incarne ici, c'est la faillite, pourrait-on dire, de ce qu'on a vu comme quelque chose de grand à Québec au début des années 80, de la même manière que le référendum qu'on avait fait en 80 et celui de 95 avait été la fin d'un rêve. Et je pense que ce moment du politique est à mettre en lien avec le sport. Merci beaucoup, Laurent. Je vous en prie. Laurent Turcot, historien à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.